Bienvenue à Méloman, l'émission pour vous, les fous de la musique. Vous êtes à l'antenne du 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir. Et oui, première édition de Méloman de l'année 2016. On s'est brassé pas mal la cabane lors des trois dernières semaines. Et en passant, encore un gros merci d'avoir été si nombreux. Ça fait toujours plaisir. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais prendre un guess. On revient à la normale, on recommence à travailler. On a peut-être même un petit spleen d'après-fête, d'après-vacances qui repose pas toujours. Mais je me suis dit que ça serait le bon moment pour changer radicalement le répertoire de Méloman, le temps d'une émission, avec un paquet de trucs plus obscurs, des fois plus tristounets peut-être, mais qui, attention, sont tous des chefs-d'œuvre en leur genre. Évidemment, comme toujours, ça change pas. Donc, grosso modo, on y va complètement à l'opposé des trois dernières semaines. Et ça sera peut-être le temps de faire des découvertes pour certains d'entre vous. Et ceux qui connaissent déjà vont sûrement être agréablement surpris par certaines sélections. Bref, je vous le dis avant que vous me disiez, voyons, Méloman, t'es ben dans la soirée. Eh ben non, on fait juste aller du côté obscur de la force, mesdames et messieurs. Mais non, j'exagère. On va avoir du plaisir, on va relaxer avec de la belle musique qui va créer une émission très particulière, ça c'est certain. Donc en route, pour ce qu'on va appeler le premier spécial Radio Pirate Méloman, ça veut dire qu'on peut pas prévoir, on peut pas savoir à quoi s'attendre. On commence tout de suite avec une pièce que je vous mettrais si l'émission était diffusée le dimanche matin. Le Velvet Underground, 99.1 CFNJ. Just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Nothing at all. Actually. What did I say?

but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe, to believe. Yeah, Mr. Jones and me, stumbling through the body of every step. Oh, that was so real. wage war on myself. It seems like it's all for nothing. I know the barricades, and I know the mortar in the wall breaks. I recognize the weapons, use them well. My mistake, let me make it good. I raised the wall, and I will be the one to knock it down. By the rich understanding of my finest defenses, I proclaim the claims are left unstated. I demand a rematch. I decree a stalemate. I divine my deeper motives. I recognize the weapons. I practiced them well. I fitted them myself. What devices you can sympathize? This is my mistake. Make it good. I raised the wall, and I will be the one to knock it down. Reach out for me. This is my world, and I am a world leader. Pretend this is my life, this is my time. I have been given the freedom to do as I see fit. It's high time I raise the walls that I've constructed. It's amazing what devices you can sympathize. This is my mistake. Let me make it good. I raise the wall, and I will be the one to knock it down. Fill in the mortar, you fill in the harmony, you fill in the mortar. I raise the wall, and I'm the only one. I will be the one to knock it down. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. Alors, très différent ce soir, mais vous le savez, il faut s'attendre à tout à Mélomanes. Je dis ça pour juste pour ceux qui seraient peut-être la première fois qu'il écouterait Mélomanes ce soir, sinon vous le savez déjà un peu, mais quand même, ce soir, on ne sait pas où on s'en va et je vous réserve encore beaucoup de surprises. Donc, petite incursion dans l'alternatif des fins 80. En fait, on a entendu un des deux groupes dont on dit là, qui sont les pères du genre, soit le groupe R.E.M. des États-Unis, l'autre étant The Smiths en Angleterre, qu'on va entendre tout de suite après. Donc, R.E.M. en 88, avec l'obscurantiste World Leader Pretend, tiré de l'album Green de la même année. Et donc, voyez-vous, on a tendance, quand on parle de musique alternative, à penser aux années 90, et avec raison, puisque c'est quand même à ce moment-là que le style va prendre tout son envol. Mais comme pour la plupart des genres, on peut remonter plus loin que ça. Et R.E.M. est un bel exemple de ça. Le grand public les a connus à partir de 87 seulement, le temps de The One I Love, voire même 91, Losing My Religion, ou 92, Everybody Hurts. Mais à ce moment-là, le groupe roulait déjà sa bosse depuis 10 ans, donc depuis 1982. Donc ça vous donne une idée. Ça, c'est pour les origines, mais on a aussi eu droit à des classiques des années 90 avec la voix inimitable de Jeff Buckley, mort noyé malheureusement très jeune, et fils de Tim Buckley, star du folk des 70s avec So Real en 1994 de l'album Grace, excellent album, précédé un an plus tôt du méga succès Mr. Jones des Counting Crows et la plume unique d'Adam Duritz, chanteur et principal compositeur du groupe. Les Counting Crows qui, en passant, vont se faire connaître en remplaçant à la dernière minute Van Morrison à la cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame de 1993. Et tout ça fait du sens quand on les écoute. Et sinon, on était complètement ailleurs juste avant, longeant les terres du glam rock des années 70, un style flamboyant d'Angleterre, avec pour figure de proue des artistes comme Bowie et T-Rex. Mais on n'y a pas mis le pied totalement, parce que nous, on a commencé un peu plus loin que ça, avec les Velvet Underground en 1967, groupe au sein duquel on va retrouver Lou Reed, décédé il n'y a pas tellement longtemps, en 2013, et dont le premier album solo produit par Bowie va devenir un icône du glam. Mais nous, on a entendu la première pièce du légendaire premier album des Velvet, The Velvet Underground and Nico, avec la fameuse banane sur la pochette, un album produit par Andy Warhol. Et voyez-vous, juste après, on a justement entendu la chanson Andy Warhol de David Bowie, tirée de son album Hunky Dory de 1971. Et anecdote en passant, le motif de guitare acoustique au début de la pièce va être réutilisé par nul autre que Metallica dans leur pièce Master of Puppets de 1986. Comme quoi les influences n'ont pas de frontières de style, même si à l'époque, Metallica se vantait peut-être pas ouvertement de leur fascination pour Bowie. Disons que c'était pas trop compatible avec le monde du thrash metal. Mais bon, les choses ont évolué depuis. Et d'ailleurs, s'il y a des fans de metal un peu butés qui écoutent, ben dites-vous que Metallica s'est inspiré de Bowie pour deux chansons de Master of Puppets. Il y avait aussi Leper Messiah, qui est une ligne qui nous vient de Ziggy Stardust. Donc, mettez ça dans votre pipe. Il faut être ouvert d'esprit. Tous les genres se confondent. Et sinon, on a aussi entendu Iggy Pop, qui est aussi étroitement relié à tout ce beau monde-là et qui va en plus être le parrain de toute la scène punk. On l'a entendu avec son gros hit de 1977, Lust for Life, coécrite par Bowie. Sur ce fameux rythme dont on avait déjà parlé lors du spécial Motown, le même rythme qu'on va entendre dans You Can't Hurry Love des Supremes, ou plus récemment Are You Gonna Be My Girl de Jet, par exemple. Donc, on parlait des origines de l'alternatif avec R.E.M. tantôt. Ça, c'était du côté américain. Là, on se déplace jusqu'en Angleterre pour voir ce qui se passait là-bas. Et on est en 1984 et on écoute The Smiths au 99.1 CFNG.

children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing in the light. We know where the music's playing, let's go. centre et sud de la Naudière pour les prochaines heures, c'est dégagé avec un minimum de moins 12, généralement nuageux jeudi, maximum de moins 4 et vendredi, alternance de soleil et de nuages, un maximum de moins 3. Et dans le nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, nuageux, quelques flocons de probables pour les prochaines heures, un minimum de moins 11. Jeudi, des nuages et 40% de probabilité d'averse de neige le matin, maximum moins 4. Et nuageux, vendredi, maximum moins 2 degrés. CFNG. Et vous êtes toujours à Mélomane, donc 99.1, 88.9 CFNJ, Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. Et oui, on vient de faire une incursion dans le monde tragique et sombre, plus grungy des années 90, mais je pense que les mélodies étaient quand même au rendez-vous. D'ailleurs, Neil Young, qu'on vient d'entendre en 92, accompagné des Stray Gators, et non de Crazy Horse, c'est pour ça que je nomme le groupe, qui est considéré ni plus ni moins comme le parrain du grunge, au même titre qu'Iggy Pop. Neil Young, et non le groupe, évidemment, au même titre qu'Iggy Pop, qu'on a entendu tantôt, et celui du punk. Donc, le parrain du grunge, le parrain du punk. Et Neil Young, quand même, tard dans sa carrière avec la magnifique Harvest Moon, qui était précédée en 93 de nul autre que Nirvana avec All Apologies. On a aussi entendu une pièce, la seule du bloc qui nous provenait pas des années 90, Le chat du café des artistes, tiré du chef-d'œuvre qu'est l'album Jaune de Jean-Pierre Ferland en 1970. Et je vous conseille en passant la version Charlotte Gainsbourg, tirée de son excellent album IRM, produit par Beck en 2010. En fait, je vous conseille l'album au complet. Sa version est très bonne, mais l'album est encore meilleur. Sinon, un groupe qu'on entend malheureusement plus assez, Zébulon, avec l'excellente Reviens pas trop tard de 1996, suivi d'un petit clin d'œil au franco-manitobain Daniel Lavoie, avec Je pensais pas de 95. Et des colocs avec juste une petite nuit de 93. Donc maintenant, on va rendre hommage à un grand qui est décédé dans le temps des fêtes, soit Michel Delpech, qui nous a quittés le 2 janvier. En fait, c'est malheureusement pas le seul à nous avoir quittés dernièrement. On pense à l'ami Kilmister de Motorhead et Hawkwind, Natalie Cole, fille de Nat King Cole, John Bradbury du groupe The Specials, un groupe de two-tone ska qu'on avait déjà entendu au spécial d'Halloween. Et sinon, même hier, Pierre Boulez, un grand compositeur et un chef d'orchestre français, très important dans le monde du classique, qui est décédé hier. Donc, pour le moment, c'est à M. Delpech qu'on rend hommage, mais tout d'abord, Manu Chao au 99.1 CFNJ. J'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y'a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus. Thank you.

playgrounds and the animals and digging up worms. I miss the comfort of my mother and the weight of the world.

99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Radiohead, qu'on vient tout juste d'entendre avec le plus gros succès de leur album The Bends de 1995, soit Fake Plastic Trees, qui était suivi d'une panoplie de trucs plus récents qui vous ont peut-être surpris parce que disons que c'est pas ce à quoi on est habitué à Mélomane. Mais en même temps, il faut s'attendre à tout. Vous le savez, ce soir en plus, Radio Pirate, vous allez comprendre à la longue, au fil des éditions de Radio Pirate. Donc, dans une mélancolie, entre autres, influencée par Radiohead, justement, on a entendu le groupe Of Montreal, qui sont pas de Montréal, mais bien d'Athens en Géorgie, qui a vu naître R.E.M., qu'on a entendu tantôt, entre autres, et les B-52s, et une gang de groupes fuckés, finalement, avec la pièce I Was a Landscape in Your Dream de 2005, précédé un an plus tard par les Suédois de Peter Bjorn and John avec leur gros succès Young Folks. On a aussi entendu l'excellent groupe très mélodique MGMT en 2008 avec leur hymne Time to Pretend. Et là, le temps s'est arrêté, l'espace d'un moment avec la magnifique et grandiose Going to a Town du très talentueux Rufus Wainwright en 2007. Une pièce où on fait un usage abondant de la sixte napolitaine, c'est une technique qui nous provient du classique, plus précisément du compositeur Alessandro Scarlatti des années 1600 et qui a un effet radicalement dramatique. Ça a l'air bien technique comme ça, mais c'est une manière d'expliquer ce qui nous fait avoir la chair de poule par moment. Et c'est une technique qui a été abondamment utilisée et remise au goût du jour par Radiohead, toujours à qui on doit l'admettre, a eu une grande influence sur la musique populaire des 20 dernières années. Et donc le flamboyant Rufus Wainwright, qui était précédé étonnamment par les Stones en 65 avec leur Play With Fire, face B du 45 tours de Last Time. Et là, on reste dans le même mood, un peu dramatique, mais ô combien mélodique, tout en se dirigeant du côté des années 80, cette fois-ci. Et oui, je vous le dis, tout est sans dessus, dessus. Ce soir, Billy Idol au 99.1 CFNJ. Could bring a fall when I'm far from home. Don't call me on the phone to tell me you're alone. It's easy to deceive, it's easy to tease, but hard to get relief. Eyes without a face, got no human grace. Your eyes without a face. Dream alive. me sad. It makes me mad too. For loving what is you. Eyes without a face. Eyes without a face. Got no human grace. Your eyes without a face. CFNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière. Just died in your arms tonight.

Nothing's wrong. Who's lips and breathe in 45 degrees. The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. Sud de la Naudière, pour les prochaines heures, c'est dégagé avec un minimum de moins 12, généralement nuageux jeudi, maximum de moins 4 et vendredi, alternance de soleil et de nuages, un maximum de moins 3. Et dans le nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, nuageux, quelques flocons probables pour les prochaines heures, un minimum de moins 11. Jeudi, des nuages et 40% de probabilité d'averse de neige le matin, maximum moins 4. Et nuageux, vendredi, maximum moins 2 degrés. CFNJ. Et oui, il faut s'attendre à tout. Et la maxime de Méloman, vous êtes toujours à l'antenne du 99.1 CFNJ, bien sûr. Midnight Oil, groupe australien qu'on vient d'entendre avec certainement leur plus gros hit, Beds Are Burning de 1987. Une chanson politique qui réclamait qu'on redonne aux aborigènes Pintupi leur territoire volé par les colons britanniques et qui se transformait en une genre de plaidoirie écologiste plus globale au fil des couplets. Vraiment une excellente chanson qui a été d'ailleurs nommée la troisième plus grande chanson australienne derrière Eagle Rock de Daddy Cool et Friday on My Mind des Easy Beats que les Woolops ont repris et qu'on a déjà écouté il n'y a pas si longtemps à l'émission. On a aussi entendu un méga succès pour le groupe The Cars en 1984, soit Drive, qui était précédé la même année d'une pièce nous provenant de la jadis très populaire trame sonore de Footloose. On a entendu Bonnie Tyler avec Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler qui nous a aussi donné It's a Heartache et Total Eclipse of the Heart, entre autres. Et juste avant, Don Henley, membre fondateur des Eagles et un des chanteurs principaux en carrière solo avec The Boys of Summer, toujours en 84, une pièce écrite, jouée et arrangée par Mike Campbell des Heartbreakers de Tom Petty and the Heartbreakers qu'on écoutera en temps voulu à Méloman. Sinon, en 86, seul gros hit pour le groupe Cutting Crew, à ne pas confondre avec les Counting Crows qu'on a entendu tantôt, avec I Just Died in Your Arms, qui suivait l'excellente Eyes Without a Face du seul et unique Billy Idol en 1983, une pièce qui va être reprise étonnamment par Paul Anka en 2005.

je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui, c'est l'automne, qu'il est loin le printemps. Dans le parc où frissonnent les feuilles au vent mauvais, sa robe tourbillonne, puis elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Ça, c'était dans le disparate, mes amis. On vient d'entendre Alain Barrière avec son gros succès de 1963. Elle était si jolie. Une chanson plus récemment reprise par Pierre Lapointe ici au Québec. Une très belle version d'ailleurs, surprenant. Et juste avant, le français Albin de la Simone, grosse influence pour Pierre Lapointe. On dirait même parfois le Pierre Lapointe français avec la joyeuse catastrophe de 2008. Donc, voyez-vous, même quand ça a l'air complètement décousu, il y a toujours un petit nid à faire. Je peux pas m'en empêcher. Sinon, un magnifique groupe tout récent, Foxygen, avec San Francisco en 2013, tiré d'un excellent album que je vous conseille, qui se nomme We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic, de la même année, 2013. On a aussi entendu Enrico Macias avec son classique Dis-moi ce qui ne va pas de 1968. Et on est resté dans ces années-là pas mal en début de bloc avec The Friends of Distinction et leur Grazing in the Grass de 69 et CCR alias Creedence Clearwater Revival, quasi méconnaissable avec Call It Pretending, qui est en fait un vestige d'une ancienne vie pour le groupe de John Fogerty et qui se nommait The Gollywogs avant de devenir CCR. Donc, on classe ça quand même dans le rayon découverte. Vous avez peut-être reconnu sa voix, mais c'est pas une chanson là, tout à fait connue de CCR. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous ne savez pas du tout quelle direction on va prendre avec cette édition Radio Pirate de Mélomane, qui semble avoir ni queue ni tête, et je me le demande presque moi-même. Mais c'est la beauté de la chose. Pourquoi pas un détour, tant qu'à y être, vers le house et le acid house des années 90, communément appelé le dance? Ben oui, pour le malheur des uns et le bonheur des autres. On se transporte en Allemagne en 1992 avec le groupe, j'avais hâte de vous mettre ça, Snap, au 99.1 CFNJ. We'll be right back. past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there. Now you disappeared somewhere. I got a space. I found some better place, and I miss you. We'll be right back. À Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et c'est le seul et unique Freddie Mercury qu'on a entendu ici sans son groupe Queen. Et ça risque d'être une des rares fois où ça va arriver à l'émission d'ailleurs, parce que c'est son seul gros hit solo. En fait, il s'agit même d'un succès posthume pour M. Mercury qui l'avait enregistré dès 1984. Mais c'est une version remixée après sa mort en 91 qui va devenir numéro 1. Donc, on était en 1993 avec Living on My Own, version No More Brothers Mix. Sinon, que des gros classiques du genre qu'on va appeler l'Eurodance, inspiré du techno, du house et du acid house, qu'on va tout simplement appeler le dance ici au Québec. Et parmi ces gros hits, on a entendu le duo de Hall en Angleterre et non pas à Gatineau, Everything But the Girl en 1994 avec le méga succès Missing dans sa version la plus populaire, remixée par Todd Terry. Et pour le reste, on est resté en 1992 bord en bord avec des gros musts, soit More and More des Allemands du Captain Hollywood Project, Move This de Technotronic, même groupe belge qui va presque partir la vague en 89 avec le fameux Pump Up the Jam. Et bien sûr, le tout amorcé par Snap, qui eux nous avaient donné le classique The Power en 1990, mais qu'on a entendu ici avec leur deuxième succès mondial, Rhythm is a Dancer. Et c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié les sélections de ce soir, même si c'était radicalement différent. C'était le premier spécial Radio Pirate de Méloman. Il y en aura d'autres. On se donne rendez-vous mercredi prochain à partir de 21h pour un autre voyage musical qui va sûrement nous transporter complètement ailleurs. Je vous laisse quand même avec un petit mix années 90. Quand même. Mais ça risque quand même d'être des chansons que vous n'avez pas entendues depuis très longtemps. D'ailleurs, vous porterez attention. Les notes que vous allez entendre de la prochaine sont nulles autres que celles de la marche impériale de Star Wars, légèrement accélérée. Donc, en vous souhaitant une bonne semaine et une très bonne nuit, le groupe White Town au 99.1 CFNJ. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie.

take one look and die.